Troisième temps de notre semaine sur Louis XIV. Aujourd'hui, nous parlerons d'éducation au grand siècle, éducation des princes et des futurs rois, éducation des garçons et des filles, éducation des filles de l'aristocratie ou encore des filles du peuple. Après avoir évoqué lundi une histoire naturelle de Versailles avec Grégory Quenette, raconté la mort du roi dans le documentaire d'hier et avant demain de tenter de nous approcher de l'héritage du grand historien que fut Pierre Goubert, auteur entre autres de Louis XIV et 20 millions de Français, nous allons ce matin avec Anaïs Quien qui a préparé cette semaine avec nous, vous parler d'éducation au grand siècle grâce à des textes qui seront lus par Mélodie Heureux et des textes qui seront commentés par nos trois invités. Pascale Mormiche, elle est historienne, professeure agrégée à l'ESP de Versailles, spécialiste de l'histoire de l'éducation et auteur en particulier de Devenir prince, l'école du pouvoir en France, 17e-18e siècle, aux éditions du CNRS. Christine Mongenot est également avec nous, elle est maître de conférence en littérature à l'université de Cergy-Pontoise, elle est spécialiste de l'écriture et de l'œuvre de Madame de Maintenon, en particulier des écrits pédagogiques et des correspondances, mais également de littérature d'éducation et des formes du discours moral à l'attention de la jeunesse, justement, dans ce 17e et 18e siècle. Et puis enfin, Dominique Picot sera avec nous depuis le lieu où elle enseigne, c'est-à-dire Bordeaux, depuis les studios de nos amis de Radio France à Bordeaux. Elle est maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université de Bordeaux 3. Elle est auteure d'une thèse d'histoire sociale sous la direction de Daniel Roche sur cette question de l'éducation des filles en particulier. Et elle est secrétaire de l'association Mnemosyne et directrice des presses universitaires de Bordeaux. Qu'il soit prêt et vêtu à 7 heures, puis qu'il se mette à l'étude, jusqu'à 9, aille prier Dieu en l'église, et au sortir de là soit libre jusqu'à 11 heures, heure de son dîner. À 1 heure de l'après-midi, qu'il rentre en son étude jusqu'à 3, puis soit libre jusqu'à 6, heure de son coucher, et son souper jusqu'à 9. Voilà, un petit extrait d'un texte donc lu par Mélodie Heureux, un texte que vous avez choisi, Anaïs Quien, bonjour. Bonjour. Sur les conseils de Pascale Mormiche. Bonjour Pascale Mormiche. Vous m'entendez, Pascale Mormiche? Ah, Pascale Mormiche n'est pas encore avec nous en ligne. Christine Mongenot est en revanche avec nous, ainsi que notre autre invité, Dominique Picot. Alors là, c'est un peu particulier puisque c'est un texte d'éducation du prince, mais néanmoins, cette question de l'éducation du prince, Christine Mongenot, a quelque chose à voir avec l'éducation de tous ceux qui sont enseignés à l'intérieur du royaume de France au XVIIe siècle, puisque ça doit servir de modèle d'une façon ou d'une autre d'un type d'enseignement, ou est-ce que c'est un type d'enseignement spécifique, l'éducation du prince, Christine Mongenot? Il y a évidemment une dimension spécifique d'apprentissage du pouvoir, d'apprentissage sur la manière de l'exercer, mais on retrouve dans le petit texte là qu'on vient d'entendre quelque chose qui est tout à fait transversal, c'est-à-dire la place accordée à la dimension religieuse. Le prince est d'abord un prince dévot, et ça c'est une caractéristique qu'on va retrouver dans la plupart des éducations de l'époque. Et puis, tout de même, vous qui êtes spécialiste de Madame de Maintenon, elle pense l'éducation des fils de Louis XIV et elle pense en même temps l'éducation des filles donc qui seront installées à Saint-Cyr. Elle a une vision qui est à la fois une vision d'éducatrice pour les princes, mais aussi plus généralement d'éducatrice en général. Oui, alors l'éducation des princes jusqu'à 7 ans, puisqu'en fait, à partir de 7 ans, les princes passent aux hommes, comme, selon l'expression. Et elle s'est occupée en particulier du duc du Maine, très, très largement, mais dans une dimension qui est quand même plus du côté du maternage, des soins, qui intègre aussi, bien sûr, l'éducation religieuse, l'éducation à la parole. Et c'est vrai que chez elle, elle va commencer par cette éducation privée, créée individuelle et elle va passer ensuite à une dimension collective avec la création de Saint-Cyr. Mais elle mettra à profit un certain nombre d'expériences conduites avec ses éducations princières en les transposant à Saint-Cyr. Pascal Mormiche, vous êtes avec nous désormais au téléphone. On vient de lire un petit extrait de la journée de Louis XIII racontée par François Lamothe Levaillé. Cette journée princière, enfin de l'éducation d'un prince qui est destiné donc à devenir donc un roi. Cette éducation-là est une éducation particulière par rapport à tous les autres, ou est-ce que c'est une éducation qui gouverne d'une certaine façon la vision que l'on se fait au grand siècle de l'éducation, Pascal Mormiche? Oui, alors on n'est pas tout à fait au grand siècle pour Louis XIV, Louis XIV quand il est enfant, pardon. Ouais. Donc effectivement, on est sur une éducation royale en train de se créer dans les années 1640, c'est-à-dire qu'elle est en train de se distinguer de l'éducation de la noblesse et de l'aristocratie, qui a ses particularités, et puis les intellectuels qui entourent Richelieu et ceux qui entoureront plus tard, enfin quelques 5-6 années plus tard, Mazarin, vont véritablement évoluer vers une éducation princière, qui, on l'a dit, est une éducation non pas dévote, le terme n'est pas tout à fait exact, mais religieuse. Hein, on est quand même il faut former d'abord et prioritairement un roi très chrétien, et puis ensuite il faut former un roi qui a la capacité de connaître presque tous les savoirs eux-mêmes étant en train de se créer au milieu du XVIIe siècle. Et c'est ça qui est assez intéressant, parce qu'on n'est pas du tout dans un système qui est figé, on est un système très évolutif. Et il nous faut que ce petit roi en devenir soit lui-même un futur dirigeant qui connaisse toutes les nouvelles technologies de l'époque. Mmh. Alors, vous nous avez confié un autre extrait de texte tiré de l'introduction à l'institution du prince d'Éroard. Cet extrait de texte nous est lu tout de suite par Mélodie Auru. Je tiens que l'histoire est l'école des princes et que le nôtre y doit être nourri pour y apprendre à vivre et la manière de bien faire sa charge, et de se rendre meilleur par l'imitation ou l'hommage aux autres. C'est où il trouvera des yeux pour tous ceux qui seront sous son obéissance. Sa connaissance est si utile et nécessaire que la savoir parfaitement, c'est vivant notre vie, vivre celle des autres qui ont vécu et acquérir les siècles tout entiers par l'emploi de la lecture d'un petit nombre d'heures. Voilà donc une sorte d'acte de foi dans la puissance de l'histoire des prédécesseurs de ces rois, donc qui forge, Pascal Mormiche, l'exemple de ces rois, forge le petit roi en préparation, pourrait-on dire. Voilà. Mais il faut pas voir l'histoire comme la matière que nous connaissons, nous, bien évidemment. Il faut voir l'histoire comme une philosophie. Hein. C'est pour ça que un des grands écrivains autour de l'histoire sera Lamothe Levaillé. Il faut le voir comme une réflexion j'ai bien aimé l'expression avoir des yeux, pour qu'il puisse avoir des yeux pour voir partout. Voir dans le passé, prendre des exemples. On n'apprend pas une histoire chronologique quand on est prince. On apprend une histoire qui donne des solutions pour l'avenir, sur des sujets extrêmement précis. Donc quand un des leçons de l'histoire, mais ce qui veut dire que l'histoire, je répète, n'est pas apprise chronologiquement, elle est apprise thématiquement pour trouver une information, pour voir quelle solution avait choisi le prince prédécesseur de la dynastie ou d'une autre dynastie, voilà. Donc l'histoire, c'est évidemment la matière la plus fondamentale, mais tout en sachant, comme le dit Lamothe Levaillé, qu'il y a finalement très peu de certitudes dans l'histoire. On s'aperçoit que l'histoire, selon les sources, selon les personnages qui l'écrivent, n'est pas une histoire figée, elle non plus. Et donc il faut aussi apprendre au prince à se méfier de l'histoire, à savoir y réfléchir, pour pouvoir élaborer lui-même sa propre stratégie et sa propre histoire. On devrait apprendre à nos princes peut-être d'avoir la même précaution vis-à-vis du passé, en l'occurrence. Anaïs Quien. Oui, Pascal Mormiche, ici on parle d'une des disciplines qui seront enseignées aux princes. L'histoire, il y en a évidemment d'autres. De quelle façon les évolutions dans chacune de ces disciplines, l'évolution de la pensée de l'histoire, de la pensée d'autres disciplines qui seront choisies ou parfois même éliminées en cours de route dans l'éducation des princes, de quelle façon l'évolution de ces disciplines, de la pensée de l'histoire, puisque nous en parlons tout de suite, va être intégrée progressivement peut-être dans l'enseignement, l'éducation que l'on choisit de proposer au prince. Alors, ce qui me semble être l'histoire à cette époque-là, c'est simplement une matière littéraire. C'est ça qui est compliqué à comprendre. C'est en cela que ça se distingue de notre histoire de France à nous, du moins celle qu'on enseigne à l'école. Et là, il s'agit d'une lecture des historiens, comme une lecture littéraire des historiens, avec laquelle on peut apprendre une concision de langage, on peut apprendre un certain nombre de faits. Hein. Et véritablement, quand le prince va devoir apprendre à gouverner, il apprendra l'histoire, je dirais, il commence entre les mains des femmes, hein. On a des exemples par les images où il commence l'histoire entre les mains des femmes, il continue avec son précepteur à partir de 7 ans jusqu'à 12, 13, 14 ans, et là se rajoute quelque chose que nous, contemporains du 21e siècle, on appelle l'histoire, mais qui est en fait une histoire diplomatique, une histoire de sciences politiques, une histoire beaucoup plus vaste, et elle va être surtout cette histoire structurée. Mais... quand Louis XIV va éduquer son fils, le grand dauphin, et va s'apercevoir que là encore, la science historique au sens très large a beaucoup évolué et qu'il faut lui-même qu'il la fasse structurer par des historiens professionnels. Voilà. Et justement, Pascal Mormich, qui se met d'accord sur l'histoire à inculquer au prince? Il n'y a pas encore de conseil supérieur de programme pour décider des programmes d'enseignement, en l'occurrence. Alors là, on a affaire à soit des gens qui sont les intellectuels, je parle pour Louis XIV autour de Richelieu, soit après, on aura affaire aux académiciens de l'Académie royale qui vont réfléchir. Et puis, c'est le rôle fondamental du précepteur, donc du choix du précepteur royal qui va être fait à chaque éducation et dont on ne changera pas quand on l'a choisi vers les 7 ans du prince. Le précepteur qui est chargé de la religion et de l'histoire, autrement dit de l'histoire sainte et de l'histoire de la dynastie, ne change pas. Par contre, on lui adjoint au fur et à mesure des maîtres qui sont des maîtres dans leur discipline et qui peuvent parler de politique, de diplomatie, s'ils sont spécialistes de l'histoire de la Prusse ou s'ils sont pas spécialistes de l'histoire espagnole, etc., ou italienne, ou du pape, etc. Donc on a différentes formes d'histoire et ça se construit au fur et à mesure avec les hommes qu'on intègre dans l'équipe d'éducation du petit roi. Alors ça, c'est tout de même extrêmement intéressant parce que vous parlez d'équipe éducative, donc en l'occurrence on peut faire aussi le parallélisme avec... heureuse, mais... voilà, l'équipe d'éducation autour du petit roi ou du petit prince qui va devenir bientôt le roi, parce que effectivement il n'est pas encore en âge de conquérir et de tenir le pouvoir. Eh bien, cette équipe d'éducation, on a l'impression que c'est un peu comme une grosse équipe donc de foot autour de celui qui est entraîné, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens, il y a des hiérarchies internes, et ces hiérarchies sont extrêmement importantes dans un contexte évidemment d'étiquette comme à la cour de Versailles en particulier. Oui, alors donc on a l'impression de n'entendre parler que d'un précepteur, et ce précepteur serait pour les gens du 21e siècle un vague instituteur. Ce n'est absolument pas ça la structure éducative autour d'un roi. On a d'abord un gouverneur qui va, je vais dire rapidement, remplacer les parents qui ont d'autres activités. Et ce gouverneur prête serment auprès du roi adulte, du père, et c'est lui qui va diriger l'équipe. De l'ensemble de qui peut être une équipe d'une quinzaine d'hommes. Je parle là quand les rois sont aux hommes. Et ensuite, il choisit. Alors, il y a toute l'équipe qui va protéger, développer le comportement. Donc ça, c'est l'équipe gouvernance, gouverneur sous gouverneur et gentilhomme de la Manche. Et puis de l'autre côté, on a une équipe avec un précepteur, des sous-précepteurs, enfin deux ou trois sous-précepteurs, et puis un certain nombre de maîtres qui interviennent ponctuellement. Alors ce qui est amusant, enfin ce qui est vraiment typique de l'étiquette qui ne se mettra en place qu'après... enfin, beaucoup plus tard, à mon avis, quand on parle d'étiquette, là, je parle bien de Louis XIV, eh bien, c'est que quand l'enfant roi est entre les mains de son précepteur, le gouverneur n'intervient pas. Il n'est pas dans la salle. Il est donc l'enfant est entre de très bonnes mains, entre le précepteur, le sous-précepteur et les maîtres des disciplines différentes. Et à certains moments, d'ailleurs, dans la journée, après le cours, après la lecture, après la promenade, ça peut se faire dans des espaces très très ouverts. Hein. Pas imaginer une salle de classe du tout. Et bien après, hop, aussitôt, le petit prince retourne chez ses gouverneurs et sous-gouverneurs qui peuvent parfois faire réciter des leçons. Ou faire revoir, ou jouer à des jeux d'histoire, à des jeux de blason, à des jeux de cartes, des jeux de géographie. Voilà. Donc c'est toute une équipe avec des temporalités dans la journée qui sont aussi particulières. On écoute un autre extrait d'un texte que nous avez fourni, Pascal Mormich. Il est signé La Porte et il date de 1649. Un jour à Rueil, Ayant remarqué qu'en tous ses jeux il faisait le personnage du valet, je me mis dans son fauteuil et me couvris. Ce qu'il trouva si mauvais qu'il alla se plaindre à la reine, ce que je souhaitais. Aussitôt elle me fit appeler. Je lui dis que puisque le roi faisait mon métier, il était raisonnable que je fisse le sien, et que je ne perdrais rien au change, qu'il faisait toujours le valet dans ses divertissements, et que c'était un mauvais préjugé. La reine, qu'on n'avait pas encore prévenue là-dessus, lui en fit une rude réprimande. Voilà aussi le type de comportement que celui qui enseigne doit apprendre au roi à se tenir comme un roi. C'est ça qui est important. Il y a cette dimension effectivement éducative, purement éducative, de savoir et de connaissance, mais il faut aussi se tenir comme un roi, Christine Mongenot. Oui, je trouve dans cet exemple, ce qui est très intéressant, c'est la dimension de pédagogie pratique. Ouais. C'est-à-dire, on est dans quelque chose d'assez moderne, finalement. C'est une sorte de jeu de rôle que l'on fait jouer. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant dans la pédagogie qui se met en place au XVIIe siècle, justement, c'est qu'on découvre ses possibilités. Et non pas seulement l'enseignement par le discours. Donc là, je trouve l'exemple très intéressant. Et justement, Christine Mongenot, cette pédagogie du XVIIe siècle, vous y avez travaillé de près pour vos propres travaux et en particulier en travaillant sur Madame de Maintenon et pas simplement. Cette pédagogie du XVIIe siècle, elle s'élabore comment ? Elle récupère quoi des siècles précédents et elle invente quoi en cours de XVIIe siècle justement ? Alors, c'est une très vaste question, mais disons que il me semble qu'il faut mettre en avant quand même tout ce que la pédagogie jésuite va apporter au cours du siècle, entre autres du côté de certaines pratiques ludiques, l'enseignement d'histoire par exemple par des jeux de cartes, des différentes pratiques de ce type-là, le rôle de l'oralité aussi, le théâtre, donc il y a toute cette influence-là, et puis il y a aussi toute une réflexion. Bon, Fénelon est l'un des acteurs dans ce champ, hein, mais toute une réflexion aussi sur l'enfant, sur ses réactions, sur finalement la façon dont il développe sa raison. Donc ça va avoir une très grande influence, plus ou moins souterraine parfois, mais on va retrouver des traces de ces idées-là dans beaucoup d'éducation à l'époque. À Saint-Cyr, par exemple, c'est très net. Anaïs Quien. Oui, Pascal Mormiche, on va retrouver d'ailleurs, on va retrouver édité dans l'espace public, parfois ce matériel pédagogique, les théories également éducatives, mais parfois avec 10 ans d'écart par rapport à leur application, à leur inculcation au prince, car comme il s'agit d'un prince, tout ce qui lui est inculqué, tout ce qui lui est proposé, la philosophie du pouvoir finalement qui est sous-tendue dans cet enseignement est de l'ordre du secret d'État. Oui, tout à fait. Mais ça tient à l'essence même du prince et du roi. C'est-à-dire que, comme il est né prince, ben, doit avoir en lui toutes les vertus et les qualités. Et par conséquent, donner au public l'idée, à ses sujets, l'idée qu'il faut lui enseigner un certain nombre de choses, irait contre l'idée de cette majesté, justement. Sacré. Donc, sacré, voilà, en plus. Et par conséquent, l'apprentissage reste secret. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu peut-être beaucoup d'informations sur les apprentissages entre les mains des gouvernantes, qui étaient d'extraordinaires intellectuelles, ces femmes qui ont tenu pendant 7 ans l'éducation de tous ces enfants princiers. Oui, parce que c'est à 7 ans. C'est à 7 ans. Aussi pendant 7 ans. Oui, parce que c'est à 7 ans qu'on passe donc des femmes aux hommes, oui. À l'âge de 7 ans pour le petit prince, et puis ensuite il restera 7 ans dans les mains des hommes, puisqu'à 14 ans c'est l'âge de la majorité. À quelques mois près, on n'est pas. Oui, c'est ça, c'est l'âge de la majorité à 14 ans, c'est cela. Oui, c'est ça, c'est à 13 ans la majorité royale. Mais je veux dire, il y a des enfants qui sont parfois plus précoces, il y a parfois des décès dans les fratries, donc on fait passer à quelques 6 mois près l'âge. Parfois on a vraiment des enfants qui peuvent passer à 5 ans, dans quelques cas d'enfants qui passent entre les mains des hommes à 5 ans. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment ce qu'on appelle les arcanes du pouvoir. Ça doit absolument rester secret, ce qui explique qu'une fois que l'éducation est terminée, et l'éducation suivante, l'éducation du fils qui viendra, la génération suivante, commence, hein, les écarts de génération sont assez courts, eh bien, dans ce cas-là, on peut publier ce qui a été fait pour le premier, pour le père, si je puis dire. Et on va, mais c'est déjà désuet, c'est déjà dépassé. Et c'est ça. Ça veut dire que ça n'est pas une éducation fixe, ce que vous nous décrivez. C'est une éducation qui contrairement à l'idée, voilà. Qui s'adapte aux périodes, qui s'adapte à la forme du pouvoir politique que l'on veut donner. Oui, par exemple, vous expliquez bien que pour Louis XIV, Louis XIV a des souhaits pour son petit-fils Louis XV, que ses souhaits sont écrits. Il a dit sur son lit de mort avant de mourir qu'il voulait comme personnel autour de Louis XIV, mais ses souhaits correspondent à une vieille cour, à une vieille vision de la cour. Et vous expliquez bien que très rapidement, le régent Philippe d'Orléans va faire en sorte, bien que Louis XV ne soit pas éduqué dans cette vieille vision de la cour qui remonte donc à la fin du XVIIe siècle, mais dans une vision plus moderne, et qu'on va donc changer le personnel éducatif en fonction de ses souhaits du régent à l'époque. Et tout cela se fait, donc à partir de 1715, tout cela se fait sans trouble, puisque la régence de Louis XV, enfant, n'a pas subi de trouble, et dans l'équipe des précepteurs et des gouverneurs, il y aura bien sûr le renvoi du gouverneur Villeroy en 1722, mais je dirais que le régent s'est débrouillé pour placer des hommes qui étaient beaucoup plus modernes, beaucoup plus ouverts sur l'économie, sur la nouvelle forme politique et diplomatique de ce début XVIIIe siècle, sur les sciences, très très ouvert sur les sciences, bien que d'autres princes aient fait des sciences également, mais surtout le régent va le faire en distinguant des temps, c'est-à-dire dans la journée, le petit Louis XV va être entre les mains de personnages de la vieille cour, bon, il leur apprend la danse, un certain nombre de choses qui sont quand même très importantes du comportement, notamment, hein, dont a parlé Christine Mougenot. Donc, très important de parler du comportement, parce que c'est ce qui fait l'essence même, la majesté du prince. Et puis, d'autres moments dans la journée, eh bien, le petit Louis XV s'en va du côté de Boulogne, il s'en va du côté, il se rapproche un peu de Versailles, et là il est entre les mains des hommes dans lesquels le régent a confiance, et on lui apprend autre chose, voilà. Et c'est ça qui va faire la dichotomie de Louis XV aussi, pendant de 1715 à 1722-23 à peu près. Sa formation, justement. Anaïs Quien. Oui, Christine Mongenot, ce qui est frappant, c'est que ces recherches éducatives pour fournir le meilleur au prince, finalement, ce laboratoire éducatif que constitue l'entourage des jeunes princes, finalement, n'irrigue pas la société de par cette dimension secrète de l'éducation des rois, et donc ne fait pas modèle ailleurs dans d'autres endroits d'éducation, de pédagogie. Oui, c'est vrai. Et du coup, ces autres endroits, ces institutions éducatives sont à la recherche de modèles, justement. Et elles sont contraintes, finalement, de les élaborer plus ou moins par elles-mêmes, de manière plus ou moins empirique. Donc on a des systèmes parallèles, finalement. Oui, des systèmes... alors, avec des éléments de transversalité, parce que, si on prend le cas de Saint-Cyr, Madame de Maintenon est quand même en contact avec les gens qui sont autour du duc du Maine. Elle a fait une sorte de passation de pouvoir quand, justement, quand il passe aux hommes. Elle était elle-même proche de Fénelon. Voilà, par exemple, elle a été longuement... ensuite, il y a eu une rupture, mais elle est quand même dans cet entourage de la pensée fénelonienne, du duc de Beauvilliers. On n'a pas de traces effectives, mais il y a quand même sûrement une circulation des idées... qu'il est difficile d'évaluer, parce que, bien sûr, on n'a pas de traces de tout ça. Oui, parce que ce qui est quand même très étrange, c'est qu'à force de travailler sur ces sujets, on voit bien, Christine Mongenot, que, on est dans un domaine d'une certaine opacité. C'est-à-dire qu'on a, même quand on travaille sur l'éducation, par exemple, à Saint-Cyr, on sait, comment l'institution se crée, comment elle se développe. On va en parler avec vous, puis avec Dominique Picot dans un instant. Mais on ne sait pas très bien ce qui s'y fait précisément dans certains moments de l'éducation. On n'a pas vraiment la teneur de tous les cours, ou du moins quel est le type. On a le cadre du cours, mais on ne sait pas très bien ce qui s'y dit, par exemple. On n'a pas de résumé de tous les cours. Alors, on n'a pas de résumé de cours, non, mais on a des traces assez intéressantes quand même qui nous donnent des bribes de ces contenus dans des entretiens de Madame de Maintenon avec, entre autres, le personnel de Saint-Cyr, les dames de Saint-Louis, qui sont les institutrices dans cette institution. Et ces entretiens ont été conservés de façon manuscrite. Et là, on saisit. Alors, il faut aller chercher de petits détails, mais on saisit quand même des éléments de discussion entre celle qui est la supérieure et puis ses enseignantes. Donc, on peut trouver des petites choses, mais effectivement, ce sont des détails. Un extrait de l'éducation des filles, signé Fénelon, ça date de 1687 et ça nous est lu par Mélodie Auru. Le moins qu'on peut faire des leçons en forme, c'est le meilleur. On peut insinuer une infinité d'instructions plus utiles que les leçons mêmes dans des conversations gaies. La manière d'enseigner à écrire doit être à peu près de même. « Écrivez-moi un billet, » dira-t-on. « Mandez telle chose à votre frère ou à votre cousin. » Tout cela fait plaisir à l'enfant, pourvu qu'aucune image triste de leçon réglée ne le trouble. Remarquez un grand défaut des éducateurs ordinaires. On met tout le plaisir d'un côté et tout l'ennui de l'autre. Tout l'ennui dans l'étude, tout le plaisir dans les divertissements. Que peut faire alors un enfant, sinon supporter impatiemment cette règle et courir ardemment après les jeux? Tâchons donc de changer cet ordre. Rendons l'étude agréable, cachons-la sous l'apparence de la liberté et du plaisir. Un extrait donc de Fénelon, de l'éducation des filles, un ouvrage de 1687, lu par Mélodie Auru et commenté par vous, Christine Mongenot. Une phrase très importante. On met tout le plaisir d'un côté et tout l'ennui de l'autre. Tâchons de rendre l'étude agréable, dit Fénelon. Oui, alors justement, j'ai choisi cet extrait parce que c'est la naissance de ce qu'on pourrait appeler une sorte de pédagogie souriante. On n'imagine pas ça au grand siècle. Quand on se penche vers le grand siècle, on a plutôt l'impression d'une certaine austérité, de leçons religieuses extrêmement sévères, etc., sans que ça soit des mortifications, évidemment. Et en fait, on découvre effectivement, en lisant ces textes-là, qu'il y a cette idée d'un certain divertissement inséré à l'intérieur des études et non pas séparé des études. Oui, alors je crois que d'une certaine façon, c'est aussi parce qu'on est en train de changer de système de représentation de l'éducation. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'éducation, c'est plutôt l'enfant étant considéré comme un adulte imparfait. Il s'agit de le corriger, de prévenir les dangers auxquels il va avoir à faire face. On est dans un modèle d'éducation de ce type-là. Alors qu'on est en train là de basculer un peu dans un modèle d'éducation où on considère que chez l'enfant, il y a des potentialités, qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Et y compris ce qui pourrait paraître mineur, le goût du jeu. Et on va aller vers un système éducatif dans lequel justement on va s'appuyer sur ce qu'on pourrait considérer comme des imperfections ou des facilités pour en faire une sorte de levier éducatif. Et c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on comprend dans ce texte de Fénelon. Dominique Picot, vous qui avez travaillé et travaillez encore en tant que spécialiste de ce sujet et d'une thèse d'histoire sociale sous la direction de Daniel Roche, je précise que ce n'est pas une thèse d'histoire de l'éducation, vous voulez bien le dire, justement sur cette institution de Saint-Cyr en particulier, qui a été donc instituée par Madame de Maintenon, mais aussi par Louis XIV, et peut-être principalement par Louis XIV, pour des jeunes filles d'une noblesse un peu désargentée, c'est comme ça qu'on le voit généralement. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a justement dans cette éducation qui fait part, qui fait la place à ce que vient de décrire Christine Mongenot, pas simplement le sérieux, mais également un peu de divertissement qui s'insère dans la façon dont on fait les leçons? Alors, à Saint-Cyr, l'enseignement n'est jamais ex cathedra. Il ne faut pas du tout imaginer les choses comme ça. Les élèves sont dans des classes très nombreuses. Elles sont 50 par classe, hein. Des classes qui correspondent à des âges. Mais à l'intérieur, elles sont divisées en ce qu'on appelle des bandes d'une dizaine. Mmh. Et donc, avec un chef de bande. Une chef de bande. Une chef de bande, tout à fait. Oui, oui. Et donc, elles ont un rôle, ces bandes, autour de l'émulation des élèves. Hein. Bon, ce sont des groupes de travail. Ce sont des groupes de ce sont des groupes de niveau plutôt. Hein. Mm-hmm. Les textes disent qu'elles sont regroupées en fonction à l'intérieur de leur groupe d'âge, de leur capacité. Hein. Donc là, il y a des choses que nous on trouve aujourd'hui, hein, extrêmement modernes. Hein. Alors pour ce qui est de la pédagogie souriante dont parlait Christine, hein, tout à l'heure, je pense que à l'intérieur de Saint-Cyr, les choses sont quand même un petit peu plus sévère. Un petit peu plus austères. Ouais. Hein. Alors surtout si les choses étaient assez souriante et agréable dans les premières années de l'existence de Saint-Cyr, hein, où la cour accède facilement, où l'on, elle vient avec le roi, cette cour, assister aux représentations de, des pièces de Racine, hein, Athalie, Esther. À partir de 1691, Madame de Maintenon se rend compte que la cour introduit beaucoup de divertissements, beaucoup de problèmes, et donc on a une fermeture, hein, qui est assez connue, hein, par les spécialistes, et donc la maison se referme un peu sur elle-même. Bon, mais ça ne veut pas dire que les petites filles ne jouent pas, hein. Il y a des plages de récréation dans un emploi du temps qui est très, très, très, très, très haché, hein. Il y a des séquences, on dirait aujourd'hui, qui sont très courtes. On alterne beaucoup les activités. On fait beaucoup de choses différentes dans la journée. Il y a évidemment une place à l'instruction religieuse qui est très grande. Mais il y a aussi une place au théâtre, hein. Même si on ne joue plus les pièces devant un public extérieur, on continue à faire du théâtre tout au long de l'histoire de Saint-Cyr jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, parce que le théâtre permet d'oraliser et permet aussi d'apprendre à ces petites filles, à ces jeunes filles, à bien parler la langue française. Oui. Ça, Fénelon, à bien la prononcer, hein. Fénelon insistait déjà beaucoup là-dessus. C'est quand même une des questions, Christine Mongelot, de savoir ce que l'on attend d'une institution comme celle-ci, puisque tout compte fait, c'est une institution publique voulue par le roi, payée par la cassette du roi, cette institution de Saint-Cyr. On y enseigne auprès de jeunes filles de la noblesse un peu désargentée, mais néanmoins méritante en l'occurrence. Et c'est dans un contexte dans lequel tout l'enseignement est privé, pourrait-on dire, enfin est en main de l'Église. C'est une particularité que cette question de Saint-Cyr. On ne va pas dire que le programme de Saint-Cyr est un programme d'enseignement qui pourrait s'appliquer à l'ensemble du royaume, mais c'est un programme un peu particulier. C'est un programme un peu particulier dans la mesure où l'institution, dès le départ, est pensée pour ne pas former ce que forment beaucoup de couvents. Enfin, l'institution, d'ailleurs, au début, n'est surtout pas un couvent, mais qui est pensée pour former à la fois des femmes qui peuvent devenir religieuses, mais des femmes qui peuvent devenir mères de famille, des femmes qui peuvent devenir, si elles doivent survivre par leurs propres moyens, enseignantes elles-mêmes. Donc éducatrices. Voilà, des éducatrices aussi. Donc c'est de ce point de vue-là, c'est quand même particulier. Je voulais juste revenir sur la question de la pédagogie souriante et de Saint-Cyr, qu'évoquait Dominique Picot. Et un point très important, c'est que justement, à Saint-Cyr, un des modèles pédagogiques, c'est des pratiques liées à l'oralité. Et bien sûr, il y a le théâtre, mais il y a aussi des pratiques d'entretien avec les jeunes filles. Mmh. Il y a l'instruction religieuse est pensée comme une instruction ensuite méditée, avec des interrogations des jeunes filles à l'intérieur de la classe et un échange entre l'enseignante et les élèves. Bah, dites donc. Et Madame de Maintenon donnera d'ailleurs un modèle, même explicite, de cette manière de faire. Elle le jouera devant les dames de Saint-Louis. Et puis, Dominique Picot, il faut dire, alors qu'on a aussi cette image peut-être totalement idiote, effectivement, de la question des punitions, qu'à Saint-Cyr, la punition, dites-vous, quand on travaille sur Saint-Cyr, on s'aperçoit que la punition doit être la plupart du temps légère et même plutôt exceptionnelle, en l'occurrence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de cette question-là, Dominique Picot ? Alors, écoutez, là, on ne frappe pas les élèves, hein. On ne les enferme pas. Et tous les textes de Madame de Maintenon, dans sa correspondance notamment, disent que la punition doit être proportionnelle à la faute, hein, donc commise ou à l'erreur commise. Elle insiste d'ailleurs beaucoup plus sur les récompenses, hein, que sur les punitions. Donc les récompenses sont des choses qui paraissent assez inattendues dans un établissement religieux, hein. Ça peut être des bonbons, des oranges, des rubans, des dragées, etc. Des dragées, oui, oui, oui. Alors par rapport à ce qui vient d'être dit, je voudrais rebondir en insistant sur le fait, hein, qu'en fait jusqu'à la fondation de Saint-Cyr à la fin du XVIIe siècle, la monarchie n'a jamais eu de politique scolaire. Hein. Il n'y a jamais eu de fondation d'établissement scolaire par l'État. Donc Saint-Cyr, c'est la première fois qu'un roi de France fonde un établissement scolaire. Et c'est quand même assez extraordinaire qu'il fonde en premier un établissement scolaire pour les filles. Hein. Bon, il faut savoir derrière qu'il y a un projet politique. Hein. Bon, c'est peut-être pas notre sujet ici, mais un projet politique vis-à-vis de la noblesse, qui est très très important. Hein. Ça fait partie de toute sa politique de fidélisation de la noblesse, qui est une noblesse, vous l'avez dit, désargentée, enfin en principe, hein, parce qu'il y a un certain nombre de passe-droits quand même, la cour est tout près. Hein. Donc, bon, on peut, si on a assez de bonnes relations, on peut faire entrer sa fille, sa nièce, sa cousine. Hein, bon. Mais quand même, globalement, c'est surtout ce qui est important, c'est de la noblesse provinciale. Hein. Donc, c'est un moyen de fidéliser cette noblesse à travers les femmes, hein, qui vont rentrer dans leur province et puis qui vont pouvoir véhiculer tout un certain nombre de valeurs, d'attachement à la monarchie, qui vont entretenir ce culte du monarque aussi, de Louis XIV, hein, pendant tout le XVIIIe siècle, en fait, hein, puisque l'établissement existe jusqu'à 1793. Alors, puisque vous évoquez Saint-Cyr, donnons la parole à Madame de Maintenon dans une lettre au marquis de Dangeau que nous lit Mélodie Auru. Il est bizarre de vouloir faire de vous un précepteur, mais vous êtes capable de tout, pour le bien, et vous en pouvez plus faire à la princesse que tous les maîtres du monde. Je crois qu'il faudrait lui faire tous les jours deux leçons, l'une de la fable, l'autre de l'histoire romaine. Vous savez mieux que moi, monsieur, qu'il ne faut plus songer à la faire savante. On n'y réussirait pas. Il faut se borner à lui apprendre certaines choses, qui entre continuellement dans le commerce des plaisirs et de la conversation. Nous avons déjà traité ce chapitre. Je voudrais que mademoiselle d'Aubigné prît les mêmes leçons pour lui en pouvoir parler dans le reste du jour. Les dames le peuvent faire aussi, et si vous pouvez nous donner une heure par jour, je crois qu'elle saura bien des choses qui lui seront utiles et agréables. J'ai choisi Quefto parce que les chapitres sont courts et notre princesse n'aime pas ce qui est long. Il faut achever Théodose. Si vous voulez faire un petit projet, je le ferai suivre et apprendrai moi-même pour la faire répéter. S'il n'y a rien de dangereux, ni de trop libre dans les métamorphoses et fables, je vous supplie d'en faire acheter les livres. Mais si on ne doit pas les laisser dans les mains de la princesse et de ma nièce, il vaut mieux nous en tenir à ce que vous nous en direz. Quand vous trouverez l'occasion de lui faire un portrait de quelque princesse bien polie, modeste, précieuse, délicate, s'attirant le respect, ne le manquez pas, s'il vous plaît. Je crains qu'on ne se conforme à la grossièreté de notre siècle. Tout ceci demeurera entre nous. Je suis obligée de finir. Un extrait d'une musique de Jean-Baptiste Moreau adaptant Athalie de Racine après cette lettre de Madame de Maintenon au marquis de Dangeau qui tentait d'expliquer ce qu'il fallait faire pour veiller à l'éducation de la jeune duchesse de Bourgogne. On voit bien qu'il y a là aussi une pédagogie différenciée, pourrait-on dire, comme on dirait aujourd'hui. On ne veut pas tisser comme ça des parallèles avec le siècle d'aujourd'hui, mais c'est vrai que là on se met à la hauteur de cette jeune fille qui visiblement n'a pas les capacités de toute autre jeune fille de son siècle, et donc on tente de faire une adaptation, une éducation adaptée, Christine Mangenot. Voilà, c'est ce que là on voit bien le lien avec le texte de Fénelon que l'on entendait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la prise en compte de l'enfant, de ses réactions, de ses limites, et ce souci-là, on le retrouvera à Saint-Cyr dans le discours de Madame de Maintenon vis-à-vis des enseignantes. C'est quelque chose qui revient constamment. Dans ce texte, on voit aussi apparaître la question de l'oralité. Là aussi, vous voyez les conversations avec la nièce de Madame de Maintenon, Mademoiselle Aubigné, c'est-à-dire que par le biais de la conversation, on va acquérir aussi un certain nombre de choses, où on va conforter un certain nombre de contenus qu'on a déjà acquis de façon à travers un discours qu'on a entendu, lu, etc. Donc les liens se tissent aisément. Anaïs Kien. Oui, Pascal Mormiche, c'est d'ailleurs une partie de l'éducation des princes, excusez-moi, qu'on a du mal à saisir, c'est cette transmission orale entre le père, le roi, et le fils ou le petit-fils. Alors, je dirais que je voudrais revenir sur la diffusion du modèle juste avant de répondre, parce qu'on parlait des entretiens, et ces entretiens-là, ils sont déjà proposés pour le petit Louis XIV par les intellectuels qui entourent Richelieu et qui ont réfléchi à ces entretiens, à cette oralité dont on parle là depuis quelque temps. Et on disait qu'il n'y a pas de diffusion du modèle. Non, évidemment, on a caché les écrits pour les princes, mais finalement, dans la théorie, dans la technique, pardon, le modèle circule, le modèle d'éducation royale circule par les entretiens, par les jeux, par l'éducation attrayante. Et je voulais quand même souligner que la pédagogie princière est beaucoup plus moderne que ceux qui ont écrit sur elle au XIXe siècle, dans les écoles républicaines, ont voulu dire. Alors, pour en revenir à la transmission du père au fils, bien évidemment, il y a le modèle dynastique qui est extrêmement important. Donc, on va chercher dans ses ancêtres quel pourrait être le modèle et la manière de gouverner. Mais en fait, la transmission ne se fait pas forcément du père au fils, à part... Alors, pour Louis XIII à Louis XIV, ça ne s'est pas fait, surtout que Anne d'Autriche n'a pas voulu véritablement prendre son mari comme exemple pour son fils. Donc Louis XIV a appris assez tardivement un certain nombre d'informations sur Louis XIII. En ce qui concerne Louis XIV, bien évidemment, en ce qui concerne le grand dauphin, il y a évidemment les mémoires que se met à rédiger à destination de son fils, Louis XIV, Mémoire au grand dauphin, qui sont des exemples concrets de ce qu'il faut faire en telles circonstances. Alors par contre, ça c'est de l'écrit, on ne sait pas comment le grand dauphin a reçu ses études. Mm-hmm. Est-ce qu'on lui en a parlé? Est-ce qu'il lui a... Ça, je ne peux absolument rien dire sur ce point. Ce qui est intéressant, Pascal Mormiche, c'est que on a là un roi, Louis XIV, qui lui-même est roi très jeune et qui va devoir, par la succession dynastique et la mort de ses prétendants, des prétendants au trône, au bout du compte, lui-même devoir imaginer un enseignement pour son petit-fils très jeune également. C'est-à-dire que j'imagine que chacun de ces enseignements qui est reçu par un prince ou par un roi qui devient roi, eh bien, induit une façon peut-être de voir la façon dont il va pouvoir transmettre cette éducation à son successeur. Voilà, c'est véritablement une anticipation du pouvoir dans 20-25 ans. Ça, c'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que Louis XIV a eu largement le temps de réfléchir sur ses éducations, puisqu'il a eu à éduquer le grand dauphin, son fils. La série des trois garçons Bourgogne, Berry, Anjou, dont un deviendra roi d'Espagne. Et puis l'arrière-petit-fils, il y a eu deux petits ducs de Bretagne qui sont morts, puis le petit Louis XV. Donc il a eu un panel d'éducation. On ne parle là que des éducations masculines, puisque c'est celles qui vont être l'éducation au pouvoir, mais il y a également presque autant, ou peut-être plus même, de princesses à cette époque-là. Donc Louis XIV vit véritablement dans une réflexion autour de l'éducation, entouré par Madame de Maintenon, qui lui est évidemment très proche, et de cette cour d'enfants qu'il faut élever, et la petite duchesse de Bourgogne qui arrive, en plus, on a lu cette lettre, et qu'il faut élever pour devenir la future reine. Ce ne sera pas le cas. Voilà. Donc on a un panel d'éducation, vous parlez d'expérimental, c'est évidemment le terme, mais Louis XIV a pu expérimenter un certain nombre de processus avec des gens aussi différents que le précepteur Bossuet et que le précepteur Fénelon. Ah, bien sûr. Et l'un s'opposant à l'autre, je le pense. Et le cardinal André Hercule de Fleury, qui lui va faire la synthèse des deux, puisqu'il a participé à toutes ces éducations. André Hercule de Fleury pour Louis XV. Pour Louis XV, et le petit Louis XV. Et une lettre, justement, vous parliez de Louis XIV, du roi Louis XIV à Montausier de Beauzée. Nous sommes le 2 octobre 1673, et donc Mélodie Auru nous la lit. Mon cousin, j'ai reçu votre lettre du 30 septembre et considéré toutes les choses que vous me présentez. Je ne puis approuver le dessein de mener mon fils à Vincennes, car encore que l'air y soit bon, jamais nous n'avons été sans beaucoup de malades en cette saison, et les gens du lieu n'ont pas été exceptés. Et quoique l'eau qui croupissait alors dans les fossés contribuât à cela, et qu'à présent ils sont secs, il peut y avoir à craindre. L'épreuve ne m'en plaît pas. Pour ce qui est de Saint-Germain, la petite vérole y étant, il ne faut point y penser. Je désire seulement que vous en faisiez sortir tous ceux qui sont atteints de cette maladie, afin que dans ce temps, après avoir bien nettoyé et aéré les maisons qui en ont été frappées, on puisse y retourner. Cependant, je vois par votre lettre que le mal court à Versailles ne vient pas de l'infection de l'air, mais si vous jugez qu'en prenant aux portes et ailleurs les précautions qui se peuvent prendre en de pareilles circonstances, mon fils puisse demeurer sans hasarder sa santé, je m'en remets à votre discernement. Oui, on voit bien là l'inquiétude d'un roi dans un contexte où effectivement la survie du jeune prince est toujours menacée, très brièvement, Pascal Mormiche. C'est ce qui fait que les princes vont se déplacer de maison de la ville Paris ou de maison royale périphérique. On a parlé de Versailles, on a parlé de Vincennes, parce qu'on craint les maladies et c'est un permanent déplacement de la cour qu'on a du mal à saisir. Alors en Île-de-France principalement, il n'y aura que Louis XIV qui fera des grands voyages en France et qui connaîtra la France dans les années 1650. Dominique Picot, on a parlé des femmes et des filles de la noblesse désargentée ou moins désargentée qui fréquentent Saint-Cyr. Que peut-on savoir de l'éducation des filles plus généralement quand elles ne vont pas dans une institution comme celle de Saint-Cyr ? C'est ce sur quoi vous avez travaillé, Dominique Picot. Alors, Saint-Cyr n'a accueilli qu'un peu plus de 3500 élèves en un siècle. Ce qui est peu. Oui, c'est peu. Donc, les autres petites filles des élites sociales françaises, soit elles sont élevées entièrement à la maison, par des gouverneurs, gouvernantes qu'on fait venir. C'est le cas de Madame de Sévigné, c'est le cas de tout à fait. Voilà, oui, voilà. Dans le cas de Madame de Sévigné, c'est vraiment un choix familial de la faire élever à la maison. Soit elles vont dans des couvents qui sont plus ou moins spécialisés dans le domaine de l'éducation. Alors, les plus nombreux sont les plus répandus en France, sont les Ursulines. Alors, les Ursulines accueillent des pensionnaires avec des frais de pension qui sont pas forcément donnés. Du coup, c'est plutôt des filles de la noblesse, de la bourgeoisie. Puis, les Ursulines, elles accueillent aussi des externes, celles les petites filles qui habitent dans la ville, dans le quartier, et qui, là, suivent gratuitement les enseignements. Mmh. Elles rentrent chez elles le soir. Elles apportent certainement de quoi manger le midi. Voilà. Puis, dans les campagnes, il n'y a pas grand-chose. Dans les campagnes, il n'y a que l'école du curé, l'école paroissiale, et donc dans cette école, elles sont souvent mélangées avec les garçons, bien que les évêques n'arrêtent pas de tonner contre cette mixité qui est absolument inadmissible pour eux, mais comme ils tonnent sans arrêt, ça veut bien dire que dans les faits, les petits garçons, les petites filles sont ensemble. Et puis c'est le curé qui fait l'école, si le village a de l'argent, on se paye un maître d'école, mais bon... les petites filles sont souvent absentes, les petits garçons aussi, parce que dans les campagnes, on a besoin d'eux pour travailler au champ pendant les récoltes. C'est une très faible fréquentation. Mm-hmm. Faut bien se rendre compte que c'est une France qui est très peu alphabétisée, la fin du XVIIe siècle. Bien sûr. La fameuse enquête de Maggiolo qui a été faite à la fin du XIXe montre qu'il y a 24% de Français qui savent signer leur nom en bas d'un acte de mariage dans les années 1680. Et la proportion pour les femmes est encore plus faible. Donc là, on est dans une situation qui n'a rien à voir avec Saint-Cyr, près de la cour. Encore, Dominique Picot, dans un de vos articles, vous indiquez, vous traitez de cette question de l'intention d'éducation des parents, et vous indiquez que les parents qui tentent de placer leur fille à Saint-Cyr, finalement, n'accordent très peu d'importance à la qualité même de l'enseignement. C'est aussi une manière pour eux de se débarrasser de la charge d'une fille en la plaçant dans cette école. Je crois que plus que se débarrasser d'une fille, ce qu'il cherche en mettant une fille à Saint-Cyr, c'est de faire rejaillir sur toute la famille, sur toute la lignée, l'honneur que constitue d'avoir une de leurs filles dans cette maison qui est si près de la cour. Mais l'argument financier pour des familles nobles, parfois durement atteintes par la multiplication des guerres, notamment sous le règne de Louis XIV, joue aussi un rôle sur cette manière qu'aurait l'État de prendre en charge un des enfants pour soulager peut-être le budget familial. Alors, ça joue un rôle, et les textes le disent bien, ça permet aux familles de se consacrer à l'éducation des garçons. Dans cette noblesse, le roi puise des militaires, tous les hauts gradés de l'armée. Il a besoin que ces gens-là soient formés. Il a besoin que les familles consacrent de l'argent à l'équipement militaire, à l'éducation de ces garçons. Et donc, c'est une manière de les soulager aussi financièrement en prenant en charge ces filles. En les éduquant, logeant, nourrissant, mais puis en leur donnant aussi une dot à la fin de leur scolarité, puisque quand elles ont 20 ans, Après être restée 10 ans dans la maison, elles reçoivent une dot de 3000 livres, qui est assez modeste. Hein. Donc, du coup, elles n'attirent pas énormément les beaux partis. Alors, Christine Mongenot, voilà. il y a un point sur lequel on n'a pas insisté, qui pourrait d'ailleurs faire l'objet de toute une émission de la Fabrique de l'Histoire, un peu plus tard, dans un autre domaine, c'est celui de la littérature jeunesse. Vous travaillez en tant que spécialiste sur cette question-là, et vous nous dites, vous m'avez dit avant cette émission, que effectivement, on peut voir naître un type de littérature jeunesse qui est lié justement à cette question de l'apprentissage, l'éducation, etc., dans cette deuxième moitié du XVIIe siècle qui va fleurir ensuite. Alors oui, il me semble que c'est vraiment une période intéressante de ce point de vue-là, parce que dans l'éducation, jusque-là, on se sert beaucoup de textes qui ne sont pas destinés aux enfants. Et on les fait lire, que ce soit les textes d'historiens. Et c'est le moment où on va essayer justement de créer des textes avec un destinataire spécifiquement enfantin. Et donc, pour les filles en particulier, c'est encore plus nécessaire, parce que justement, vous avez entendu tout à l'heure dans un texte, on parlait de la fable, il faut comprendre la mythologie. Et dans la mesure où cette mythologie est extrêmement dangereuse parce qu'elle est remplie d'histoires croustillantes et très peu morales, et qu'on ne veut surtout pas la mettre entre les mains des jeunes filles, on va devoir chercher d'autres textes, d'autres supports. Donc il va falloir les créer. Et par exemple, pour Saint-Cyr, on voit Madame de Maintenon en train de mandater des auteurs, Duché de Vancy, par exemple, pour fabriquer ces histoires. Alors, où va-t-on aller l'épuiser ? On va aller l'épuiser quand même dans le fond mythologique, mais en adaptant, bien sûr, dans des récits historiques. Et il y a eu un ouvrage qui s'appelle La Cour Sainte, qui fourmille d'histoires, d'anecdotes, etc. On va repartir de là comme noyau pour fabriquer des histoires. Et on va essayer aussi de créer des histoires avec des personnages enfantins modernes, entre guillemets, donc auxquels les jeunes filles, les enfants pourraient davantage s'identifier. Parce que tout le problème est là, c'est qu'il y a un énorme écart entre les modèles que l'on donne, que l'on met sous les yeux des enfants, et la réalité de ce qu'est l'enfant à l'époque. Il y a le Télémaque de Fénelon, mais ça c'est autre chose. Mais le Télémaque, on voit bien que là, pour le coup, l'identification se fait via le fait qu'on a aussi là un prince de substitution, hein, en quelque sorte. Et donc, ces travaux sur la littérature jeunesse, ou les prémices de cette littérature jeunesse, vous les menez ces temps-ci avec d'autres, Christine Mongenot, justement ? Alors, il y a justement tout un colloque qui aura lieu là à Strasbourg sur les figures féminines, héroïques, à la fin du XVIIe. Hein, il y aura d'autres personnes que moi, je pense, qui réfléchiront sur ces questions, des figures héroïques pour la jeunesse. Merci beaucoup Christine Mongenot, merci à vous Pascal Mormiche d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur de Devenir Prince, l'école du pouvoir en France, 17e-18e siècle, c'est aux éditions du CNRS, ça date de 2009. Et puis merci également à vous Dominique Picot, vous êtes secrétaire général de la revue de Mnémosyne, l'association de Mnémosyne, vous êtes directrice des presses universitaires de Bordeaux et auteur d'une thèse sous la direction de Daniel Roche, justement sur cette école de Saint-Cyr dont on parlait. Vous parliez de colloque tout à l'heure, on parlera d'un colloque demain sur Pierre Goubert, puisque ça sera le thème de notre émission de demain. L'héritage de Pierre Goubert. Donc il y a un colloque bientôt, le 13 octobre, autour de cette œuvre-là. Et puis il faut dire que nous avons travaillé hier sur Versailles, sur la mort du roi, et que, eh bien, à Versailles, on a monté un véritable site spécifique qui s'appelle Le Roi est mort, et que vous pouvez vous y rendre. Il y a eu des tweets tout au long de l'agonie du roi. Vous pouvez mourir avec Louis XIV, mais également vous intéresser à tous les aspects de cette mort de Louis XIV et de la cour de Versailles à cette époque-là. C'est sur le site leroiestmort.com. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marseille. Ariane Herbé était avec nous à la technique, Anne Fleury à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur le site internet de France Culture.